Bonjour, j'ai une journée chargée, mais j'ai vu quelque chose ce matin dans le journal de Montréal. Et comme je suis quelqu'un d'un petit peu arrogant, entre autres, je ne peux pas m'empêcher de commenter ça. Il faut à tout prix le faire parce qu'il y a des choses au niveau de certaines tactiques qu'il faut dénoncer à mes yeux. Surtout, un principe de psychologie de masse dont j'ai déjà parlé dans le passé qui s'appelle l'altérité. Donc, il s'agit d'un texte d'un monsieur qui a surtout fait sa carrière en faisant des chroniques dans des magazines féminins quand il était plus jeune, Monsieur Richard Martineau. Monsieur Martineau, j'avais pas envie de commenter quoi que ce soit de lui, mais là, ce matin, je considère qu'il faut le faire. J'ai on va dire, la vibration de le faire. Donc, le texte s'intitule, de sa chronique s'intitule Dieu protège les croyants de la COVID avec un point d'interrogation. Ici, il faudrait mettre une virgule ou quelque chose parce qu'on ne sait pas s'il s'agit des croyants de Dieu ou les croyants de la COVID. Hein? Parce que les deux existent, imaginez-vous. À mes yeux, ici, il dit, bon, il y a des petits travaux pas loin, on va faire avec comme d'habitude. Il va falloir un jour se regarder tout autant que nous sommes dans le blanc des yeux et avoir une discussion franche sur la religion. Ça commence assez bien. Nous sommes en 2021, virgule Simonac. Là, on est dans du patois de ma tante, du patois de ma tante de Montréal. Mais ça, c'est mon opinion au niveau de la forme. C'est dans son style à lui, le texte. Donc, sophisme et ainsi de suite. Mais là, ça, Simonac qui a bien le droit de l'écrire. Mais c'est un style assez spécial, avouons-nous-le. Pouvons-nous encore laisser des superstitions? Il ouvre une parenthèse car c'est exactement ce que sont les religions, des superstitions, des mythes, des croyances, dénuées de tout fondement. On referme la parenthèse. Voyez là, comme ici, là, il est général, là, c'est dénué de tout fondement. Comme par exemple, là, qu'à certaines époques, il a été interdit ou recommandé ou interdit de manger du porc dans des régions où le porc était dangereux et fortement parasité, ça c'est dénué de tout fondement. Comme si les gens qui avaient émis ces règles-là derrière la forme n'avaient pas des fois des raisons intelligentes. Au fond, que peut-être on ne peut plus maintenant être au courant, mais qu'il y avait une certaine logique quand même. Comme si toute intuition qui prenne forme, parfois, si on peut le dire, un peu doctrinale, était dénuée de tout fondement. Bon. Ça commence bien. Là, il referme la parenthèse. Gérer la façon dont nous administrons nos villes, nos provinces, notre pays. Là, il dit ce qu'on peut. Comme si c'était des religieux qui gèrent notre province, notre pays, les villes. Ce n'est plus le cas depuis longtemps. Même si ce n'est pas un gros dildo rose que Jacques Cartier a planté en arrivant. Hein? Donc, une exception incompréhensible. Il dit, prenez le passeport vaccinal. Il sera obligatoire pour la plupart des lieux où les gens se rassemblent, sauf pour les lieux de culte. Ben oui, mais si on suit votre logique, M. Martineau, les lieux de culte ne sont pas essentiels? Est-ce qu'il n'est pas dit que c'était lié aux activités non essentielles qu'il fallait pas que... En tout cas. Peut-être que oui, c'est essentiel pour certaines personnes. Est-ce que c'est possible de les respecter dans leur psychologie? Mais bon, passons. De toute façon, nous sommes dans une terrifiante quatrième vague avec une hécatombe extraordinaire de morts. Hein? Au niveau statistique, il aurait fallu, il y a longtemps, selon vos dires, appliquer de telles règles en toute saison grippale. Donc, il poursuit. Il sera obligatoire pour la plupart des lieux où les gens se rassemblent, sauf pour les lieux de culte. 200 personnes qui écoutent Fred Pellerin raconter des légendes, c'est dangereux, mais 200 personnes qui écoutent un rabbin, un prêtre, ou un imam raconter des légendes, c'est correct. Comme si il n'y avait pas dans certaines communautés des gens qui ne sont pas non seulement des gens qui vont perpétuer des traditions au niveau oral par rapport à leurs croyances, mais comme si c'était pas non plus des gens qui ont la capacité de donner des conseils pour la vie de tous les jours et puis au niveau social. Je pense que nous avons intérêt en tant que société d'avoir au niveau collectif de notre côté pour certaines choses ces gens-là qui sont d'abord et avant tout des leaders ou comme on le dit d'une façon qui moi m'écœure un peu de nos jours un nouveau terme des influenceurs. C'est pas parce que t'es pas sur YouTube devant une caméra que t'es pas un influenceur. Et ces gens-là sont des influenceurs et nous avons tout intérêt à pas les voir se retourner au niveau collectif contre les institutions, quoique les institutions semblent tout faire pour se les mettre à dos. Donc, je continue son texte. Ça, c'est dans le style Martineau. EUH, trois petits points. C'est le style Martineau, désolé. Pour lui, c'est de la ponctuation, les onomatopées. Vraiment, point d'interrogation. Sérieux, point d'interrogation. C'est quoi l'affaire? Point d'interrogation. Je serais curieux de compter le nombre de points d'interrogation qu'il y a dans son texte. Il suffit d'avoir un drôle de chapeau sur la tête pour que le virus prenne peur? Point d'interrogation. Bon, là, il y a une espèce de dénigrement des coutumes vestimentaires des autres. Et moi, je me mettrais pas à rire de ta peur de tonton de graisse, Richard, puis je me permets de te tutoyer, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça que tu trouves ça drôle, tu as un drôle de chapeau. C'est pas un diadème en plastique de princesse Disney ou un chapeau de fête, ok? Les gens ont le droit de se mettre ce qu'ils veulent sur la tête tant que c'est pas quelque chose de dangereux. Puis là, j'aurais pu aussi bien me rétorquer que oui, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, il va tout le temps généraliser. Là, c'est écrit, écoutez l'éditorial de Richard sur Cube Radio. Non, merci. J'ai déjà écouté votre conjointe, Monsieur Martineau, sur Cube Radio, puis je retrouve plus l'extrait. Elle s'inquiétait pour votre fils. Donc, il poursuit. Vous savez que les autorités sanitaires semblent dire quand elles prévoient de telles exceptions pour les lieux de culte. Point d'interrogation. Elle semble dire que les croyants n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont doublement vaccinés pour pouvoir se regrouper dans un lieu fermé, car leur Dieu les protège. Je pense pas que les autorités semblent dire ça. Ça, c'est de l'interprétation subjective que vous vous projetez sur autrui, monsieur. C'est clair? Et après ça, on nous dit que les décisions du gouvernement se basent sur la science. Oui, mais le problème, monsieur Martineau, c'est que la science peut être politisée, instrumentalisée, idéologisée, selon des intérêts. Des intérêts parfois de groupes, hein? Comme le mythe d'Hiram, là, qui se fait donner trois coups sur la tête par ses apprentis, puis que c'est lié à des rituels ridicules, ça, c'est pas des légendes ridicules, selon vous, n'est-ce pas? Bien oui, toi, virgule, toi, point. C'est très, très scientifique, votre affaire, point d'exclamation. C'est incroyable l'utilisation de la ponctuation de ce monsieur-là. Les hommes et les femmes qui se font vacciner parce qu'ils croient à la science devront montrer patte blanche. Mais les hommes et les femmes qui refusent de se faire vacciner parce qu'un bonhomme barbu qui vit dans les nuages leur dit que c'est pas nécessaire, eh bien, eux n'auront pas besoin de présenter un passeport. Bon, l'affaire du bonhomme barbu dans des nuages, là, t'es pas capable de comprendre des allégories, des métaphores? Ben non, il faut que M. Martineau nous fasse des liens avec justement sa brosse à Kaboul en ce moment, puis lui, il veut à tout prix qu'on rattache ça à des barbus, hein? À une histoire de barbus. On l'a pas vu pantoute, ta stratégie. Drôle de façon de promouvoir la science, point d'exclamation. Oui, on pourrait en dire autant de certains. Et en passant, c'est quoi la différence entre un gars qui croit que Bill Gates veut utiliser le vaccin pour nous implanter des puces sous la peau et un gars qui croit qu'une vierge a accouché du Fils de Dieu après avoir été engrossée par un ange? Point d'interrogation. Bon, là, écoute, Richard, là, soit que tu étais de mauvaise foi, soit que tu étais un inculte. Parce que ce qui est dit, il est question du Saint-Esprit. Bon, L'ange, lui, c'est l'annonciation. T'es un inculte, Richard, ou ben tu fais exprès, mais moi je pense que t'es réellement un inculte, puis comme Jacques Vergès le disait, tu n'es pas très intelligent. D'accord? Au premier, on dira, faites-vous vacciner, virgule, bande de zouf, point d'exclamation. Et au second, nous respectons votre choix. Ben oui, c'est bien de valeur, mais la liberté de culte est garantie par les chartes puis les constitutions. C'est bien dommage, hein? Ça, t'aimerais bien ça, hein, qu'on enlève ça, que, au fond, le fondement des droits et libertés, que ça saute, hein? Ben, moi, ça marche pas avec moi. Tu vas respecter tes concitoyens. C'est-tu clair? L'homophobie permise. Point d'interrogation. Autre exception loufoque. Galousse, parce que tu bifurques, là. Tu fais exprès. Tu tiens à associer tout ça, le droit de la liberté de culte, à des homophobes, des transphobes, puis des barbus. C'est ça que t'es en train de faire. Puis ça, là, ça s'appelle, là, justement, c'est au niveau de ce que j'avais dans la psychologie de masse, que j'appelle le principe d'altérité. Tu mets ça en pratique d'une façon vraiment dégueulasse, OK? Selon le code criminel canadien, vous ne pouvez pas insulter un groupe particulier. Tu fais rien d'autre, toi, Richard. Les gays ou les femmes, par exemple, là, tu parles de, c'est juste un exemple comme ça, sauf si vous êtes croyant et que vous citez un livre sacré. C'est complètement faux, Richard. Les imams qui tiennent des discours haineux, il y a moyen d'avoir des recours contre eux. C'est pareil pour les rabbins, puis les curés, puis tout qu'est-ce que tu voudras. J'ai appris ça en écoutant l'émission de ma blonde, Sophie Durocher, à Cube Radio hier. Moi, tout, en écoutant l'émission de ta blonde, j'ai appris qu'il y a un petit extrait par-ci par-là qui est plus trouvable, qu'elle s'inquiétait par rapport à, bon, à votre fils. Hein? C'est qui les irresponsables, monsieur Tartineau? Ben, je vais me permettre de t'insulter parce que moi, je te considère que tu es insultant, puis si tu fais rien d'autre. Tu n'as pas le droit de dire, moi je trouve que les homosexuels, quand ils couchent les uns avec les autres, commettent des actes infâmes, avilissants, dégradants, point d'exclamation. Bon, là, écoute, là. C'est parce que l'affaire, là, il y en a, j'imagine, des homosexuels qu'ils couchent pas avec les uns puis les autres, au sens de ce qu'on appelle de la débauche. Parce que de la débauche, que ce soit avec des hommes puis des femmes, du monde qui couche avec tout le monde, ben c'est infâme puis avilissant. Que tu le veuilles ou pas, c'est-tu clair? Ça sera considéré comme un discours haineux. Ça dépend. C'est sûr que s'il n'y a pas de nuance comme avec toi, Richard, ça va être moins. Mais tu peux citer les lettres aux Romains de Paul dans lesquelles il est dit que les actes homosexuels sont infâmes, avilissants et dégradants. Ben oui, c'est ça qui est écrit. Puis ce qui est écrit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu peux pas rejeter tout un groupe de personnes pour quelques lignes. Parce que l'opinion, c'est personnel. Tu as le droit d'avoir une opinion sur un livre, mais pas pour 3-4 lignes. Puis de toute façon, ça c'est encore de la généralisation. Idem pour les sourates 26. Ah, monsieur, il nous cite des sourates du Coran. C'est tout le temps les. Vous savez, moi je les ai lus, les livres. Notamment le Coran, puis même Guru Nanak, des Sikhs, je l'ai lu. Puis il y a beaucoup de bonnes choses, même dans ces livres-là, que on essaie de généraliser comme mauvais. Il y a ce qu'on pourrait appeler des sagesses là-dedans. Puis je trouve pas ça correct, moi, parce que si on fait pareil avec tes textes, monsieur Martineau, t'es fait. Ils sont traités de transgresseurs, ben oui, parce qu'il y a des lois qui sont édictées dans ces livres-là, puis aller contre ces lois-là, c'était vu comme de la transgression. Mais il y a moyen encore que ces gens-là aient droit au respect, au sens de leur droit de culte, de leur liberté de culte, tant qu'ils n'enfreignent pas des lois. OK? C'est là, on a tous accepté en vivant en société que les lois de la société avaient prévalence sur les lois édictées il y a longtemps. Puis ça, là, c'est parce que vous autres, vous voulez changer des lois. C'est à la veille d'être rendu interdit même de juste d'avoir une Bible chez nous. Si ça continue, ça va être interdit. Ça, c'est permis car c'est écrit dans un livre sacré, point d'exclamation. Bref, si tu es croyant, tu peux être homophobe, transphobe, misogyne, raciste, pas de problème. Où ça, du racisme? Il y a du racisme dans le Coran. C'est drôle, moi, ce que j'ai vu dans le Coran, ça vise une hégémonie. Donc, puis c'est pareil, si tu prends le catholicisme, l'Église apostolique romaine vise à convertir tout le monde. Il n'est pas question de racisme. De quoi tu parles? Le racisme, là, c'est un concept assez récent, puis j'en vois pas dans ces livres sacrés-là, vraiment. Il y en a peut-être par rapport aux Juifs, mais c'est pas au sens d'une race, c'est au sens d'une confession par rapport au Coran, puis même au Nouveau Testament des fois. Mais c'est pas une notion de racisme comme toi, tu l'entends. Ça n'a rien à voir. Tu essaies de faire par association des choses que tu, dans le fond, toi, tu es là pour un peu, tu es un faiseur d'opinion, puis un des plus mauvais d'ailleurs, des plus mauvais. Bref, si tu es croyant, tu peux... Bon, à genoux, point d'exclamation. Vous trouvez ça normal, vous, point d'interrogation, que la loi et la science s'agenouillent ainsi devant la religion, point d'exclamation, d'interrogation. Bon. Là, le problème, là, c'est que la science, c'est pas une croyance. C'est quelque chose qui est censé être lié à du factuel. Puis, où ça devient dangereux, c'est quand c'est idéologisé ou que ça bifurque selon des intérêts. Ou des gens qui, justement, avec leur petit tablier, puis leur mythe d'Hiram, puis toute leur crise de foutaise, se considèrent comme les architectes de la société du monde nouveau. Ça, moi, je suis raciste de ça. J'ai bien de la misère, je deviens ben intolérant. OK? Puis, si là, les mythes, les légendes, puis toutes ces niaiseries-là, puis les croyances en la lumière de ci, puis tout ça, c'est de la merde, ben vous allez me prendre la Grande Loge de Montréal, puis me faire des HLM dedans. C'est-tu clair? Parce que là, ça va faire. Il y a moyen, là, aussi d'être malhonnête intellectuellement des deux bords. Puis moi, de mon côté, ça n'est pas un métier. Il y a moyen de faire autre chose dans la vie que de vomir sur son prochain, que de toujours vouloir ostraciser les gens qui pensent pas comme nous. Parce que ça, là, comme il te l'avait dit un peu, là, Vergès, c'est du terrorisme intellectuel. Puis toi, je te trouve extrêmement malhonnête puis malhabile. Puis pour ce qui est du principe d'altérité au niveau de la psychologie de masse, tu le manies très mal. Merci, bonsoir.